Le Collège de France veut contribuer avec d'autres au maintien des valeurs de la connaissance, de la recherche fondamentale, de la recherche qui est basée sur la curiosité pure. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. L'ambition générale que nous avons pour les années qui viennent, c'est de mettre plus en contact les générations. On veut permettre à des jeunes équipes de démarrer dans une atmosphère qui est favorable à la recherche pour aller ensuite propager cet esprit de liberté et de confiance dans la recherche au-delà du Collège de France, en France et même à l'étranger. Vous voici comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. L'invocation du talent peut-elle réellement légitimer des inégalités incompressibles? Et quelles sont les controverses autour de l'égalitarisme, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Est-ce qu'on peut égaliser intégralement les caractéristiques individuelles? Qu'est-ce qu'il advient du talent dans ces conditions-là? Et quelles sont les autres conditions nécessaires pour faire fonctionner à la fois les possibles perfectionnements de l'individu et les équilibres sociaux? Comment un égalitarisme radical et une philosophie égalitaire libérale se sont-ils affrontés au XVIIIe siècle autour de la question du talent et de l'affirmation de la négation des différences individuelles de talent? Pourquoi revenir sur le matérialisme égalitaire d'Helvétius? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, revient sur les énigmes posées par la notion indéfinissable du talent dans sa série multidimensionnelle initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Dans le contexte mondialisé de la guerre des talents, accru par le modèle de la croissance par l'innovation, le sociologue ne cesse d'interroger les analyses passées et présentes autour de la question du talent et les paradoxes qu'elle pose, mais aussi les inégalités qu'elle fait naître. Le cours d'aujourd'hui déploie de nombreuses problématiques avant d'arriver au traité d'Helvétius de l'esprit en fin d'heure. Pierre-Michel Menger note, et je le cite, si la notion de talent est une notion à la fois cardinale, plastique et sémantiquement floue, c'est que l'imputation et la revendication de talent portent en elle trois questions clés que je reprends. De quoi un individu est-il fait? Quelle est la puissance et la profondeur de l'empreinte de la collectivité des autrui, la société, sur les individus? Qu'est-ce qu'un individu qui réussit peut revendiquer comme l'expression directe de l'ensemble de ses caractéristiques individuelles? Aux grandes problématiques se mêlent une foule de petites questions tout aussi stimulantes. Comment la coopération est-elle toujours une stratégie payante, même dans les concours de talent? Et comment intervient une sélection de l'information qui peut gommer cette coopération au moment de la consécration du meilleur? Qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce qui est transférable? Et comment la tension entre talent et éducation est-elle constitutive? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger, Différences, talent et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme. Lors des séances précédentes, j'ai évoqué quatre caractéristiques du talent. La sémantique dispositionnelle, le talent est une notion capacitaire. La difficulté de donner une définition absolue du talent et les embarras logiques de l'imputation a posteriori. L'interaction des dispositions avec un environnement et la présence de processus multiplicatifs. L'erreur du raisonnement par rétrodiction, c'est-à-dire ce point 2 que je viens d'évoquer, l'imputation a posteriori du talent à partir du résultat, ne tient pas tant à un mauvais usage de la sémantique dispositionnelle, comme je l'ai montré la semaine dernière, pas tant à ce mauvais usage qu'au maniement imprudent d'une imputation causale proportionnelle. Cette imputation proportionnelle suggère ceci. Si l'écart observé dans le résultat, par exemple un écart de notoriété, de revenus, de visibilité dans une communauté qui est imputée à un talent, est très grand, c'est que, dit l'argument, les qualités intrinsèques de là ou du bénéficiaire de l'avantage constaté doivent elles-mêmes être considérablement grande. Et de proche en proche, comme le talent est attaché à un individu et qu'il est même le comble de l'individualisme. La définition holistique du talent maximise ce rôle, le rôle des différences interindividuelles, en affectant la totalité du bénéfice de cet écart à la valeur différentielle de l'individu et à la bonne complémentarité entre ses caractéristiques initiales, celles qu'il reçoit au départ, et les qualités comportementales qui sont responsables de son développement personnel. Évidemment, pour s'approprier pleinement ce qu'on suppose être son talent, un individu doit y mettre les efforts nécessaires, sans lesquels il ne connaîtra même pas les aptitudes dont il est porteur. Ça, c'est l'argument classique du mérite. Mérite, c'est talent plus effort. Mais au passage, remarquons d'ailleurs ceci, la sémantique capacitaire et virtualiste du talent peut être mise soit au service d'une conception indifférenciée et égalitaire des individus, soit au service d'une conception puissamment inégalitaire et différentialiste. Dans tous les cas, il faut que quelque chose qui était contenu en puissance s'actualise. C'est le sens de toute la tradition philosophique de la praxis qui, d'Aristote à Marx et aujourd'hui à Castoriadis, Habermas, Hans Joas et bien d'autres, conçoit l'individu comme un être d'action qui, par le fait d'agir, se transforme lui-même en même temps qu'il transforme l'environnement sur lequel il agit. Le résultat de l'opération d'imputation a posteriori du talent est toujours de consolider l'individualisation des qualités et des récompenses proportionnées à ces qualités. Par ailleurs, le talent a un pouvoir distinctif d'autant plus élevé que son expression et sa manifestation sont observées dans des situations de compétition qui créent donc une séparation entre des gagnants et des perdants. C'est le cas dans toutes les formes habituelles de compétition qui ont cours dans les sports, les arts, les sciences et dans les activités à forte dispersion de qualité et à forte différenciation des produits, comme le montre la multiplication des classements dotés d'enjeux et la multiplication des compétitions dotées de prix, prix littéraire, prix de la start-up la plus innovante, prix du meilleur ouvrier de France, celui-là est ancien, prix de la meilleure baguette de Paris, site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, en concurrence avec d'autres, ou produit du savoir-faire ou savoir-faire classé au patrimoine mondial immatériel de l'humanité, par exemple la pizza, qui déclenche son flux de compétition sur la base d'une activité devenue désormais détentrice d'un potentiel reconnu de distinction et de différenciation qualitative valorisable. On attend le top pizzaiolo pour bientôt. Or, le propre des compétitions est non seulement de créer de grandes asymétries de gains et de visibilité entre le vainqueur et les autres, mais aussi d'effacer largement la mémoire du contexte de production de la victoire ou du succès, une fois que le succès a été attribué à l'entité victorieuse, qu'il s'agisse d'un individu, d'une équipe, d'un produit, d'une entreprise, d'une université, d'un pays, etc. Nous sommes ici dans la réduction de la complexité informationnelle par condensation et imputation restrictive qui permet de faire fonctionner un monde de différenciation illimité. Pourtant, il est bien évident que toutes les caractéristiques de la compétition qui a distingué un ou quelques individus ont eu une influence considérable. C'est même le propre de l'interaction entre des dispositions et un environnement. Prenons l'exemple d'un concours de musique. Je m'appuie ici sur une enquête qui a été réalisée par Myriam Odoni, dont j'ai dirigé la thèse avec mon collègue de Genève, André Ducret. Je rappelle que le concours national, ou plus encore international de musique, est un dispositif qui est à peu près sans équivalent dans le monde des arts, ailleurs que dans la musique, quand il s'agit de comparer les qualités d'artistes, ici des solistes, interprètes, candidats à une carrière professionnelle. Ces concours concernent le monde de la musique savante ou classique, dans lequel la formation technique précoce et intensive prédispose les adolescents et les jeunes adultes à s'engager dans des épreuves concurrentielles inhabituellement exigeantes tout au long de leur scolarité artistique initiale. Les concours sont aussi depuis longtemps pratiqués dans le monde de la chanson ou des musiques populaires, et ils sont devenus dans les années récentes la matière de multiples programmes télévisés, des tournois impliquant candidats, jurys, coachs et publics dans des dramaturgies compétitives qui rencontrent au reste de très forts succès d'audience dans de très nombreux pays. Mais l'ancienneté des concours de musique classique est d'abord des concours consacrés au piano, qui sont les plus nombreux et les plus célèbres. Le formalisme de ces concours et leur très grand nombre et leur prolifération planétaire les situent à une place très particulière dans le monde des arts, avec un centre de gravité des lauréats qui s'est déplacé vers l'Asie. Dans le concours de piano, dont telle jeune pianiste chinoise ou chinois, cas de plus en plus fréquent, est sortie victorieuse ou victorieux, quel était le niveau de la compétition ? Qui étaient les membres du jury ? Connaissaient-ils la candidate pour l'avoir vue dans d'autres concours, dans des masterclass qu'ils donnaient ou en cours particuliers ? Selon quel ordre de passage les candidats ont-ils été auditionnés ? La candidate a-t-elle eu de la chance dans le tirage au sort des œuvres qu'elle devait rapidement apprendre à jouer après les premiers tours éliminatoires quand on en vient à un répertoire qui n'est plus connu d'avance ? Et au fil des tours, dans quel ordre sont donc passés les candidats ? Il y a eu un très joli travail fait par mon collègue Victor Ginsburg et son collègue de Bruxelles, Jan Van Oors, sur l'influence de l'ordre de passage des candidats à des concours de musique sur le résultat final. Ces questions servent à désigner, sans en épuiser la liste, des facteurs qui agissent causalement sur la compétition et qui qualifient tout ce qui ne dépend pas de l'individu, du concurrent, mais qui entre en interaction avec les qualités et les dispositions dont l'individu est détenteur avant et au moment d'entrer dans le concours, et qui vont se modifier dans la situation et par le fait des interactions de la compétition. Et quant aux critères d'évaluation des jurys, ils sont pour partie endogènes à la compétition. Les jurés apprennent eux-mêmes pour partie ce qu'ils peuvent évaluer en fonction de l'information qu'ils acquièrent sur les candidats successifs et en fonction des comparaisons qu'ils opèrent pour ajuster leurs critères d'évaluation en fonction du déroulement de la situation. Les controverses sur l'inéquité et sur les biais d'évaluation ne prennent pas en compte cet élément essentiel que crée la situation d'interaction, c'est-à-dire une action transformatrice réciproque. Si les jurés étaient des entités fixes, dotées de critères simplement appliqués mécaniquement à une cohorte de candidats, le concours pourrait s'apparenter à un traitement algorithmique de données individuelles et pourrait être aisément confié à des juges robots. On pourrait essayer. Par ailleurs, une des caractéristiques contre-intuitives que met en évidence la thèse de Myriam Odoni, ce sont les liens de coopération entre les candidats. Ceux-ci ne peuvent pas s'enfermer dans un schéma de pure rivalité à somme nulle qui rendrait leurs interactions et leur coexistence tout au long du concours insupportables. Les comportements déloyaux sont d'ailleurs sévèrement punis par la communauté professionnelle à proportion de la forte interconnaissance qui règne dans le milieu musical et qui peut agir de manière dissuasive sur ces comportements de déloyauté. La situation de rivalité dans laquelle sont placés les candidats est suffisamment incertaine et éprouvante pour que chacun cherche auprès d'autrui des ressources pour la gérer, sans oublier qu'ils sont tous en compétition. Et la population des candidats forme ainsi un groupe qui se retrouve du reste pour partie de concours en concours et ensuite dans la vie professionnelle. Et comme nous le dit la théorie des jeux, en situation de jeu compétitif, répété, la coopération est toujours une stratégie plus payante. Mais de tout cela, la mémoire demeurera ensuite extrêmement mince. Ce sont essentiellement le nom du concours et le palmarès qui figureront au crédit des lauréats. Et pourtant, la performance a eu sa dimension collective, mais l'individualisation des gains et des pertes n'en conserve presque aucune trace. L'imputation de talent n'est en réalité pas simplement une rétrodiction, mais aussi une condensation qui dissipe quantité d'informations. Insignifiant le talent doit nommer des dispositions qui n'ont été actualisées que dans un environnement. Et ce signifiant opère en stabilisant bien l'information sur les dispositions, mais en effaçant l'information sur les environnements variables dans lesquels ces dispositions s'expriment et se développent. Dès que nous nous situons dans des formats compétitifs d'expression des capacités et d'allocation des gains, l'écart entre les lauréats du processus sélectif et les autres engendre non seulement un gain réputationnel, certainement disproportionné au regard de la distribution sous-jacente des qualités des concurrents en lice, comme on dit, il faut bien un vainqueur, mais de combien est-il plus talentueux qu'un autre ? Mais ça engendre aussi une sélection de l'information sur les conditions de la réussite qui renforce la symétrie. L'écart entre la lauréate et les autres s'applique donc aux qualités de cette lauréate comme pour exaucer, avec deux S, sa singularité, mais sans plus contenir aucune référence durable et mémorisable à l'environnement concurrentiel dans lequel les résultats de son action ont été obtenus. Évaluer des individus et leur attribuer une position dans une hiérarchie de réputation d'un monde professionnel, ce sont des procédures banales. L'attribution d'une réputation, qui est le résultat de ce processus de condensation que je viens de décrire, s'attache généralement à des réalisations qui ont été accomplies et observées. La réputation attribue à un individu un comportement et des capacités qui, sur la base de ce qui a été observé, doivent pouvoir produire des résultats de même valeur à l'avenir. S'il a une réputation, c'est qu'il doit délivrer au même niveau qu'avant. Nous sommes donc dans une situation d'interaction stratégique. L'individu qui est doté d'une réputation est incité à agir conformément aux attentes qui ont été formées à son égard, et ce, afin de maintenir ou éventuellement d'augmenter sa réputation. En ce sens, la réputation dépend des initiatives de l'agent dans un cadre d'interaction stratégique. La sémantique capacitaire du talent et ses graduations suggèrent autre chose que la logique de la réputation. Le talent ne décrit pas d'abord la valeur reconnue à une action ou un comportement, ni le pouvoir de maintenir un niveau donné de performance pour tenir sa réputation et pour répondre aux attentes d'un partenaire, d'un public, d'un client. Le talent est présumé être l'origine causale de cette réussite. Mais ce qui obscurcit l'utilisation de la notion de talent, c'est une combinaison de traits qui oriente l'interprétation dans deux directions contraires. D'une part, le talent en tant que notion capacitaire appelle un mécanisme de développement dans un environnement et dans des conditions qui font de la capacité et de la disposition un ingrédient dans une fonction de production complexe. L'individu, depuis sa naissance jusqu'à sa maturité, a été éduqué, formé, socialisé, ses caractéristiques personnelles initiales, pour se former complètement, sont entrées dans un long et complexe processus d'interaction avec tout l'environnement familial et social. Donc d'une part, il y a la complexité du mécanisme responsable du développement personnel et de chaque trajectoire individuelle. Mais d'autre part, il y a ce qui définit l'individu en tant que détenteur de ses propres caractéristiques, capable d'autonomie, exerçant sa volonté, doté de préférences et de choix, et défini individuellement, légalement et politiquement comme un être doté de droits fondamentaux qui doivent garantir sa liberté d'agir et le définir comme un être juridiquement et moralement responsable de ses actes et de ses choix. Et maintenant vient le problème. Qu'est-ce qui, dans ce qui définit l'individu à ses différents stades de développement et d'accomplissement, est le produit de ressources inaliénables dont l'individu est propriétaire et dont il doit obtenir, ou dont il espère obtenir la pleine et exclusive jouissance, autrement dit de ressources qui sont non transférables à autrui, sous peine de détruire la réalité ontologique de l'individu? Et qu'est-ce qui peut être considéré comme des ressources qui portent l'empreinte directe du système social dans lequel l'individu est formé et dont il aura pu bénéficier de manière plus ou moins importante, en volume et en qualité, pour transformer son capital initial en un ensemble d'aptitudes, de compétences, de savoirs et de dispositions comportementales qu'il exploitera dans les différents espaces sociaux dans lesquels son individualité est engagée? Si la notion de talent est une notion à la fois cardinale, plastique et sémantiquement floue, c'est-à-dire chargée de significations multiples dans tant de contextes historiques différents, tant de domaines d'action différents et de plus en plus, et tant de cultures différentes, j'ai rappelé la stabilité ou la faible variation phonétique du mot talent dans beaucoup de langues, qui en est un bon indice, c'est que l'imputation et la revendication de talent portent en elle trois questions clés. De quoi un individu est-il fait ? C'est ma première question. Le vocabulaire dispositionnel suggère une réponse radicale. L'individu n'existe tout simplement pas sans un environnement et donc sans autrui, sans la relation avec autrui, sans l'attention portée par et à autrui, sans l'échange avec autrui, sans le soin accordé par et à autrui. Autrui est le vecteur du développement de soi, l'identité est constituée dans l'altérité. C'est un grand thème philosophique dont les illustrations les plus célèbres sont à trouver chez Rousseau ou chez Husserl, par exemple. Deuxièmement, quelle est alors la puissance et la profondeur de l'empreinte de la collectivité des autrui, la société, sur les individus ? Toute la sociologie n'est qu'une accumulation de réponses à ces questions depuis ses origines. Considérons par exemple l'opposition célèbre entre Herbert Spencer et Émile Durkheim à la fin du XIXe siècle. Je m'appuie ici sur la lecture que donne de l'œuvre de Durkheim et de Spencer Jean-Fabien Spitz, un philosophe politique, dans son livre « Le moment républicain en France ». Selon une axiomatique individualiste utilitariste, celle de Spencer, on va la retrouver sous une variante intéressante plus tard avec le cas de Helvétius, la causalité va de l'individu à la société. Les individus se servent des formes sociales pour satisfaire leurs besoins et leurs intérêts. Et Spencer postule, 1. qu'un surcroît de désir de jouissance correspond nécessairement à un accroissement de bonheur, 2. que l'homme veut être plus heureux en jouissant de choses nouvelles et inédites, en satisfaisant de nouveaux besoins, et 3. que plus de jouissance égale plus de bonheur. À l'opposé, dans une axiomatique individualiste et organiciste comme celle de Durkheim, la vie collective ne peut pas naître de la vie individuelle, c'est l'inverse, parce que l'homme vit avec d'autres, c'est parce que l'homme vit avec d'autres qu'il devient humain. L'homme, selon Durkheim, fuit l'excès d'excitation, donc c'est la position inverse, l'excès de jouissance, car l'excès est source de douleur. Il est impossible de définir l'accroissement du bonheur par l'accroissement indéfini des richesses et des jouissances. C'est un but trop indéterminé qui crée par nature de la frustration. Le bonheur est dans l'équilibre et non pas dans l'illimitation des désirs. Le désir est défini par la forme sociale où nous vivons. Et la société ne naît pas de la coopération, mais la coopération naît de la coprésence, du rassemblement en un même lieu, de l'attachement à un même sol, de liens familiaux, etc. Et la coopération renforce les liens. D'où l'argument fameux de Durkheim, celui de la dualité de l'individu. L'individu a deux consciences. L'une nous est commune avec notre groupe tout entier. La société vit et agit en nous, dit Durkheim. L'autre ne représente que nous dans ce que nous avons de personnel et distinct et qui fait de chacun de nous un individu. Mais l'incorporation de la société dans l'individu et le gradient d'individualité sont codéterminés. La structure des relations sociales et des institutions se transforme. La conception même de ce qu'est l'individu évolue. Par exemple, dans des sociétés à solidarité mécanique, dit Durkheim, le groupe est uni par la ressemblance entre les individus, par le partage des mêmes traditions, des mêmes croyances, des mêmes cultes. Le lien social est fondé sur la négation de la différence individuelle ou sur l'absorption de l'individu dans la totalité sociale. Et c'est l'inverse dans les sociétés modernes, qui sont, dit Durkheim, à solidarité organique. Les individus reliés à la société sont reliés à la société d'abord parce qu'ils dépendent des uns des autres. Dans une société à division du travail complexe, les individus diffèrent les uns des autres de plus en plus, l'unité du groupe ne peut plus être fondée sur autre chose que sur l'individualité et la différenciation individuelle, et c'est ensuite à la société de veiller à la cohérence de cette organisation fondée sur l'individualité. L'unité, dit Durkheim, de l'organisation, c'est-à-dire, dans mon vocabulaire, la force tirée des interdépendances, est d'autant plus grande que cette individuation des parties est plus marquée. Voilà un échantillon du débat que je voulais restituer, et il peut se prolonger abondamment. Troisième question, qu'est-ce qu'un individu qui réussit peut revendiquer comme l'expression directe de l'ensemble de ses caractéristiques individuelles? Et si on retourne la question dans l'autre sens, pour l'individu qui est exposé négativement à des inégalités de réussite, à quel facteur peut-il imputer sa situation défavorable? Où s'arrête la comptabilité des ressources qui sont la propriété de l'individu et dont l'obtention ou l'accumulation dépendent de lui? Et où commence la comptabilité des ressources qui ont été allouées arbitrairement et dont l'inégale répartition peut expliquer de manière directe ou de manière complexe sa position dans la distribution des destins et des accomplissements personnels? Ces trois questions donnent à la sémantique du talent son halo de signification si constamment énigmatique. L'énigme, premièrement, porte sur la question lancinante qui parcourt la totalité de la littérature sur le talent. Le talent est-il inné ou acquis? Ensuite, l'énigme est l'invocation du talent peut-elle réellement légitimer des inégalités incompressibles, même quand ces inégalités deviennent pyramidales? L'individu au talent scalable ou scalable, comme je vous avais appris à le nommer ou à le traduire dans mon vocabulaire qui est du français-anglais, ou de l'individu au talent scalable qui bénéficie de revenus stratosphériques, est-il simplement bénéficiaire d'une technologie dont l'avènement et la puissance ne relèvent pas de sa responsabilité? Cette technologie qui soutient la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de conquérir un marché mondial au maximum. Et s'il en est ainsi le bénéficiaire, que doit-il restituer s'il s'interroge précisément sur toute la somme des énergies collectives qui ont été investies dans cette scalabilité de son talent et sur toute cette agrégation facilitée des admirations pour son talent afin qu'il puisse résister à l'équation naïve différentiel de revenus égale différentiel de talent égale différentiel de productivité. Troisième question ou troisième énigme, de quels équilibres est faite une société qui invoque le talent? Le vocabulaire ne concerne plus seulement des domaines habituellement préparés à conjuguer le culte de la réussite fortement incertaine et l'admiration non envieuse, comme on le voit par exemple dans les arts. Car la diffusion du vocabulaire et le recrutement et la gestion du personnel sous la bannière du talent conduisent à généraliser l'argument des ressorts capacitaires de l'agir individuel. Nous ne serions donc plus dans le diagnostic durkheimien de la conjonction entre une division plus poussée du travail et une individualisation croissante des conditions personnelles, ce que Durkheim nommait une société complexe à structure organique, dont il faut définir les conditions de solidarité. Mais depuis un demi-siècle, les sociétés sont engagées non plus simplement dans la maximisation de la valeur de la connaissance comme carburant nécessaire et protecteur de la productivité du travail humain, mais aussi dans l'accélération de la course entre technologie et éducation. Pour citer le titre d'un livre récent et important de Claudia Goldin et Lawrence Katz. Et cette accélération produit des inégalités multiplicatives. Une manière assez classique d'explorer ces questions peut procéder ainsi. Parmi les ressources dont disposent les individus, nous dirons que certaines sont non transférables. Un individu naît avec des caractéristiques, notamment génétiques, qui sont la signature indélébile de sa singularité. Quelle que soit la causalité génétique qui a présidé à la distribution de ces caractéristiques et au fonctionnement de ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de loterie pour invoquer les variations aléatoires qu'introduit la sélection génétique et auxquelles, dans un raisonnement simpliste mais répandu, on impute par rétrodiction les réussites talentueuses ou exceptionnelles, c'est la fameuse loterie du talent. Donc, quelle que soit cette causalité génétique, il est impossible de transférer ces caractéristiques à autrui, sauf peut-être de manière extrêmement partielle, via un don d'organes ou une greffe. Pourtant, les manipulations génétiques suggèrent un début observable de transférabilité. Telle caractéristique individuelle peut être réparée ou même encore augmentée, comme dans le cas des manipulations génétiques à des fins thérapeutiques mélioratrices ou perfectionnistes, ce qu'on appelle parfois le dopage génétique. Il y a là-dessus un livre passionnant, un court essai passionnant de Michael Sandel qui s'intitule « Against Perfectionism ». Le transhumanisme, dont je citais quelques éléments à partir de l'une de ses bibles la semaine dernière et dont l'actualité ne fera que s'amplifier, ça j'en suis persuadé, projette de bousculer ce partage entre le capital intransférable et les ressources transférables, d'abord dans le sens homme-machine. Les hommes dotent les machines d'intelligence grâce au travail des « digital talents » humains qui écrivent les programmes et les codes permettant aux machines d'apprendre. Ensuite, dans le sens « machine-homme » ou « machine-humain », c'est le thème de l'homme augmenté, avant qu'on envisage, grâce à la combinaison des intelligences humaines et artificielles, de fabriquer des hybrides ou des individus modulaires. Dans l'ordre de l'espoir réparateur ou dans l'ordre de l'ivresse prométhéenne, l'augmentation, rien n'est a priori écarté dans les scénarios qui ne se contentent plus d'extrapoler, mais d'exponentialiser. Et en ce sens, la réponse à ma question de la semaine dernière, « Les robots peuvent-ils avoir du talent ?» est fournie par cette économie transformée de la transférabilité et de la non-transférabilité. Créer et perfectionner des robots, c'est un vaste processus de transfert. Nous transférons aux machines des connaissances, des instructions et des règles qui leur permettent d'apprendre. Lorsque les robots pourront créer des systèmes de reproduction à variation imprévisible de leur identité, ils seront en mesure d'exiger leur part d'individualité non transférable et non substituable. Ils seront convoqués à la compétition des talents ou à un talent show des robots. Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Winger. Aujourd'hui, différence talent et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme. Tenons-nous-en pour l'instant à la partition humaine et non pas transhumaine entre l'intransférable et le transférable. Les ressources transférables sont entièrement contenues dans l'environnement de l'individu. Elles sont procurées par la famille et par le milieu familial élargi, par le groupe d'appartenance, par les pairs, par le contexte social et culturel et par les institutions. Si l'on admet une partition stricte entre les deux qualifications des ressources, donc entre le transférable et le non transférable, on dira que ce sont sur celles qui sont transférables, que la société, ses institutions et ses mécanismes de redistribution peuvent intervenir. Ces interventions doivent pouvoir permettre à tous de disposer de chances formellement égales de développer leur capacité, c'est-à-dire le noyau du non transférable. Après tout, nous ne savons pas vraiment de quoi un individu est fait avant qu'il se développe, et si l'environnement n'agit pas pour maximiser ses chances de développement, les qualités dont il ou elle était porteur seront perdues ou gâchées. Ça, c'est le thème classique et constant des talents négligés, selon une comptabilité sociale qui insiste sur la sous-exploitation du potentiel de talent humain. Mais l'économie des chances de développement optimal des qualités individuelles est une économie de ressources transférables sous contrainte de rareté. Sous contrainte de rareté, le développement des qualités individuelles de chacun se loge dans une situation de compétition collective. Pour l'accès à des ressources dont la distribution n'est jamais à ce point illimitée qu'elle puisse corriger continuellement tous les déséquilibres qui sont observés et qui, du fait de l'interaction entre des stratégies individuelles et l'action collective régulatrice et redistributive, provoquent des cycles de compression et de décompression des inégalités. Aucun sujet et aucun domaine d'action ne sont aussi directement reliés à la question du talent que celui de l'éducation et de la formation. La tension entre talent et éducation est constitutive. J'avais montré l'an dernier comment, dans les arts, la définition même du talent et du génie se sont construits contre l'application des règles transmises par un enseignement, parce que l'originalité et la nouveauté sont par définition hors de portée de l'application de règles, et que les contenus de l'enseignement ne sont au mieux qu'une condition nécessaire qui ne vaut que par la distance qui est prise ensuite avec l'appropriation et l'exploitation des contenus enseignés. Et nous disposions, avec le cas des arts, d'une version spectaculaire de la tension entre talent et enseignement qui définit ces relations de complémentarité ou de substitution entre talent et apprentissage. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les arts, les individus aiment se penser comme les fils de leurs œuvres et de rien d'autre. Je vais maintenant définir le problème de façon un peu plus générale qu'en me limitant à un cas particulier. Si nous considérons la somme des caractéristiques de l'individu qui, dès sa naissance, sont développées par un processus continu d'apprentissage, nous disposons donc d'un schéma simple d'interaction entre un capital initial de traits, de capacités qui vont se former et se transformer à la faveur d'incessants apports, sollicitations et échanges avec l'environnement. Et le problème peut recevoir trois spécifications. À un premier niveau, on demandera comment sont réparties les caractéristiques initiales des individus. Il y a trois scénarios. Premier scénario, une distribution normale de traits ou de potentialités. L'essentiel se passe au centre de la distribution et il y a quelques cas particuliers extrêmes dans les deux sens. Les individus sont diversement aptes dans les différentes activités dans lesquelles leurs capacités peuvent se manifester, mais de cette distribution normale, on peut tirer des conséquences radicalement différentes selon que l'on se place dans un raisonnement de perfectionnement individuel, hors d'un cadre de concurrence, ou dans un cadre de rivalité pour obtenir le meilleur avantage de ses capacités. On peut aussi imaginer une distribution extrêmement asymétrique de traits. C'est le cas qui pourrait se présenter si, dans un groupe humain, on observe d'un côté des gens considérés comme exceptionnellement talentueux, qui auraient obtenu en quelque sorte le gros lot à la loterie génétique des dons, selon ce schéma que le sens commun adopte pour se représenter le talent comme un avantage originaire considérable, et de l'autre côté, des individus plus ou moins considérablement handicapés. Un philosophe comme Ronald Dworkin s'est demandé comment assurer une distribution normale des situations à partir de telles prémices, à partir d'une distribution très asymétrique des traits individuels. Par exemple, en taxant le talent des premiers et en procurant une compensation élevée aux seconds, les handicapés, ou en imaginant un système d'assurance qui, d'emblée, au départ, contractualiserait la correction des déséquilibres trop grands dans la distribution des capacités au sein d'un groupe. Troisième possibilité, on peut imaginer une distribution initiale strictement identique des traits individuels, ou dans une version légèrement moins radicale, une différenciation individuelle d'importance négligeable de ces traits qui feront l'objet du processus de développement. Dans une spécification un peu plus sagement probabiliste de ce scénario, on dira que les différences initiales pèsent très peu au regard des inégalités de ressources avec lesquelles ces différences interagissent. C'est l'une des formulations de Durkheim et de bien d'autres, et j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est la première série de questions. Comment sont réparties les caractéristiques individuelles des individus? Deuxième niveau, on demandera comment sont composées les différentes ressources dont dispose l'individu pour se développer dès son plus jeune âge. Et je vais reprendre ici mon critère de la transférabilité et de la non-transférabilité. La particularité de l'éducation, qui est la principale responsable du développement des capacités et de l'acquisition des connaissances, c'est d'être constituée à la fois de ressources transférables et de ressources non transférables, dont l'association et l'interaction structurent le processus éducatif. Les ressources non transférables sont les ressources procurées par le milieu familial. Les ressources transférables sont les ressources que fournit le système d'éducation, avec sa partie gratuite, du moins là où le service d'éducation est essentiellement gratuit, mais aussi avec ses composantes privées, non gratuites, concurrentes ou complémentaires de l'offre publique d'enseignement, à tous les niveaux, primaire, secondaire, supérieur, et avec les services marchands, éducatifs ou para-éducatifs, soutien scolaire, privé, cours particuliers, vacances éducatives, stages, investissement dans des équipements privés de formation, éducation artistique privée, etc. Nulle part autant que dans les stratégies d'investissement éducatif des familles, on observe directement ce que sont les effets multiplicatifs de la combinaison entre ce qui est transférable et ce qui est non transférable. Alors, si l'éducation est un service public, il faudra l'assortir de moyens et de technologies éducatives à la hauteur de l'objectif de formation aussi accompli que possible de toute la jeunesse scolarisée. C'est ce que mesurent, par exemple, les classements internationaux de type PISA, la réussite étant alors celle des pays qui ont à la fois des performances les plus élevées en moyenne et la dispersion la plus faible autour d'une moyenne élevée. Mais, comme je l'ai dit, une partie significative de la technologie éducative est familiale. Et si l'interaction entre l'éducation scolaire et l'éducation familiale crée des distorsions trop grandes de réussite, autrement dit, si la variance de la réussite scolaire se décompose en deux grands facteurs dont l'un a une importance et une dispersion beaucoup plus élevées que l'autre, il s'agira de compenser le désavantage familial par un surcroît de transfert des ressources aux enfants les moins favorisés socialement et familialement. Ça, c'est un raisonnement habituel. Mais nous ne sommes cependant pas dans des choix qui sont indépendants les uns des autres. Nous sommes dans une situation de ce qu'on appelle une concurrence positionnelle. Les familles qui en ont les moyens peuvent maintenir leur avantage, quelle que soit la production de services éducatifs publics, en pratiquant des choix contre-redistributifs, ou plutôt en augmentant la part privée non transférable des ressources éducatives dont dispose l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte. Et c'est bien une stratégie d'investissement de ressources privées des familles dans la formation qui se calcule non pas simplement en argent, mais en temps, en management, en gestion de capital de relations, en relocalisation dans des quartiers plus favorables, etc. Autrement dit, à partir d'un idéal démocratique d'excellence pour tous, comme on dit, ou d'élévation du niveau de formation de tous, nous retrouvons l'excellence relative et la valeur distinctive des investissements éducatifs des familles dans un contexte de concurrence. Alors, imaginons un législateur radicalement égalitaire qui observe comment sa politique massive d'investissement dans l'éducation peut être contrariée par les stratégies éducatives des familles. Quelle solution ce législateur peut-il adopter? Pour contrarier ou annuler les effets de l'avantage familial, la solution la plus radicale, c'est de supprimer les ressources non transférables, c'est-à-dire d'augmenter l'emprise du système éducatif public et d'annuler le pouvoir différenciateur de la contribution familiale au processus d'éducation. Et là, les seules mesures possibles seraient, par exemple, la séparation des enfants d'avec leur famille, par exemple, la stratégie de l'internat, dans une forme minimale de séparation, mais réelle. Il y a d'ailleurs des recherches, comme celle de mon jeune collègue Marc Gurgan, qui ont montré, à partir de certaines expérimentations qui ont été tentées il y a une dizaine d'années, que la formation en internat pouvait avoir des résultats positifs sur la réduction des écarts de réussite, mais ces expérimentations ont été abandonnées. On peut aussi choisir de diminuer ou même d'abolir la part des ressources privées non transférables. Par exemple, en supprimant l'héritage, ça en est l'incarnation la plus radicale. Ces solutions ont été imaginées depuis des siècles et depuis l'Antiquité, et elles font et refont invariablement surface quand des analystes contemporains, politistes, sociologues, économistes, cherchent à inventer les moyens de contrarier les stratégies contre-redistributives des familles. Étendre l'emprise de l'éducation, réduire l'implication des familles, abolir ou réduire à un minimum égalisable entre tous les individus l'héritage, par exemple sous forme d'une dotation initiale égale pour tous. Mais peut-on supprimer l'autre partie des ressources familiales non transférables, c'est-à-dire le temps partagé avec les enfants, l'affection, le soin? On ne peut les supprimer que dans un schéma totalitaire qui abolira la liberté, la sphère privée et les relations entre les générations, autrement dit qui abolira assez vite la société, ses liens de solidarité intra- et intergénérationnels et les libertés individuelles. À un troisième niveau, la question qu'annonçait la fin de mon propos à l'instant devient celle de l'organisation tout entière d'une société, c'est-à-dire des équilibres à rechercher entre le développement des individus et la redistribution plus ou moins importante des ressources qui permettent d'assurer l'égalité des chances. Mais la question devient aussi celle de la préférence politique pour l'une ou l'autre des égalités qui sont radicalement différentes, égalité des chances d'une part ou égalité des résultats de l'autre. Alors, pour illustrer ce raisonnement et la combinaison des arguments que je viens de développer, et pour montrer comment les trois niveaux que j'ai distingués sont étroitement reliés, je vais revenir sur les débats qui ont eu cours au XVIIIe siècle sur la contribution de l'éducation et l'égalisation des chances de développement des talents individuels. Je rappelle que les philosophies sociales émancipatrices au XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, ont mis en avant l'importance du talent dans des sociétés qui voulaient d'abord se libérer du joug de l'ancien régime, celui des privilèges héréditaires. Lier la question du talent et celle de l'éducation, c'était, dans ces philosophies, tout à la fois assurer l'émancipation politique des individus, leur procurer des chances plus égales de faire un plein usage de leurs capacités, et non pas d'être contrariés par des privilèges sur lesquels personne n'a prise, sauf ceux qui les détiennent, et permettre le progrès collectif des sociétés dès lors que, sous certaines conditions démocratiques, ces sociétés peuvent bénéficier directement du déploiement des différences individuelles. Le XVIIIe siècle a vu s'affronter un égalitarisme radical et une philosophie égalitaire libérale, à partir de la question du talent et de l'affirmation ou de la négation des différences individuelles de talent. Je vais examiner un cas, c'est la philosophie sociale de Helvétius, dont l'œuvre offre un exemple connu entre tous de matérialisme égalitaire. Je m'y attarderai un peu, car j'y trouve une matrice argumentative qu'il sera fécond de contraster ensuite avec la théorie de Marx, la théorie de Durkheim et celle de Rawls, pour n'en garder que quelques-unes, à propos des différences individuelles. En 1758 paraît à Paris un traité intitulé « De l'esprit » qui est dû au philosophe Claude-Adrien Helvétius. Celui-ci sera l'auteur d'un second traité de l'homme qui sera publié en 1773, mais il sera publié ce second traité 2 ans après la mort de l'auteur. De l'esprit défend notamment une thèse égalitariste radicale dont voici un aperçu. la grande inégalité d'esprit qu'on aperçoit entre les hommes dépend uniquement et de la différente éducation qu'ils reçoivent et de l'enchaînement inconnu et divers des circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés, l'environnement. En effet, si toutes les opérations de l'esprit se réduisent, ça c'est la philosophie empiriste et sensualiste de l'auteur, se réduisent à sentir, se ressouvenir et à observer les rapports que ces divers objets ont entre eux et avec nous, les objets de la perception et de la sensation, il est évident que tous les hommes étant doués, comme je viens de le montrer, de la finesse de sens, de l'étendue de mémoire et enfin de la capacité d'attention nécessaire pour s'élever aux plus hautes idées, parmi les hommes communément bien organisés, il n'en est par conséquent aucun qui ne puisse s'illustrer par de grands talents. Voilà l'argument de base. Les dispositions ou les capacités initiales sont les mêmes pour tous. L'éducation et les circonstances vont agir pour faire diverger ces capacités. Peu de livres ont, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, suscité autant d'intérêt et autant de controverses que le traité de l'esprit. Ce fut un immense succès de scandale. L'ouvrage connut plusieurs dizaines d'éditions, comme le montre une biographie de Helvétius qui est parue au début du XXe siècle de Albert Camus, et Pierre-Rosa Vallon, à qui je dois le détail sur la multiplicité des rééditions, à la biographie d'Albert Camus, en mentionne les détails dans un bref texte sur l'utilitarisme selon Helvétius. L'essentiel du scandale qui a été provoqué par ce livre vient de la théorie matérialiste de l'esprit de Helvétius, qui était inspirée des empiristes anglais, et de Lamétrie. Lamétrie, c'est l'auteur de L'Homme-Machine, qui connaîtra certainement des rééditions à l'Université de la Singularité et ailleurs. Et le scandale vient aussi de son déterminisme mécaniste, qui attaquait les fondements de la moralité. Les autorités religieuses et civiles ont dénoncé le caractère subversif, dangereux, athée, matérialiste, sacrilège de l'œuvre. Mais en dépit de ce succès de scandale, Helvétius rallia peu d'auteurs à sa cause égalitaire et à son irréligion militante. Diderot, on le reverra plus tard, ironisa sur l'égalitarisme de Helvétius en lui reprochant de vouloir démontrer que l'homme qui s'occupait de ses chiens était aussi facilement capable d'écrire de l'esprit que Helvétius lui-même, si tout était égal. Et Voltaire était tout aussi critique. Et pourtant, Voltaire et Diderot ont soutenu vigoureusement Helvétius contre les autorités religieuses qui pourfendaient son matérialisme résolument athée. Helvétius peut être qualifié de disciple français de l'empirisme anglais de Locke et de Hume. Sa théorie sensualiste et matérialiste place toutes les facultés humaines, jugement, perception, cognition, sous la dépendance des sens et de la matière sentie qui fournit les inputs des sensations. La sensibilité physique, c'est le pouvoir passif d'être affecté par les impressions que provoquent les objets externes. La mémoire n'est qu'une sensation continuée, et la faculté de juger, la faculté de comparer et de discerner, qui gouverne la formation et l'accumulation des connaissances, n'est rien d'autre que la capacité de percevoir les ressemblances et les différences entre les objets. Et les sentiments eux-mêmes sont entièrement contrôlés par des mécanismes de la sensibilité physique. Le principe directeur de la sensibilité et des émotions, c'est l'amour de soi, avec sa double orientation, je vais y revenir, de recherche du plaisir et d'évitement de la douleur. Voilà à quoi ressemble un matérialisme utilitariste. La thèse que Helvétius défend et déduit de ses fondements est simple et a fait en effet sensation à l'époque, en raison de sa radicalité, l'individu, comme le dit la citation que vous avez sous les yeux, est entièrement façonné par son environnement et les différences individuelles d'aptitude ou de capacité physiologique ou cognitive à la naissance sont strictement négligeables. Nous naissons rigoureusement identiques, suppose Helvétius, comme Locke avec son fameux argument de la tabula rasa. Helvétius récuse tout innéisme. Il n'existe pas de disposition innée ou d'idée innée. La conscience est un processus qui ne se développe que par les stimulations sensorielles que procurent à chaque instant toutes les expériences individuelles. Les différences individuelles ne proviennent en aucun cas d'une allocation variable de capacités innées. Ce sont les différences sociales et culturelles constitutives de l'environnement dans lequel l'individu se développe qui modèlent entièrement ses capacités, qui sont responsables de toutes les inégalités observées. Les individus sont faits de cette cire sur laquelle la société imprime la totalité de ses empreintes pour engendrer la différence et l'inégalité à partir d'une matière humaine identique ou différenciée de manière négligeable. Comme l'a écrit le sociologue américain Irving Louis Horowitz dans un livre qu'il a consacré à Helvétius en 1954, la théorie matérialiste, je cite, de la connaissance de Helvétius est entièrement fondée sur l'argument que l'esprit humain est un pur produit de son environnement. Comprendre ce que sont les contenus de l'esprit humain, c'est comprendre les traits fondamentaux de la société. Si on en vient à objecter à Helvétius que les individus ne naissent pas tous dotés des mêmes capacités physiologiques et que la vue ou l'ouïe de certains est supérieure, par exemple, Helvétius réplique que si les individus peuvent percevoir différemment des objets, ce qui importe, c'est la relation de similitude ou de contraste, différence de taille, de couleur, d'intensité lumineuse, etc., entre les objets. Et c'est cette invariance des relations qui constitue le socle égalitaire, par-dessus lequel des différences individuelles secondaires peuvent s'établir. La mémoire, l'attention, l'acuité des sens peuvent bien varier selon les individus, mais ces différences ne suffisent pas à engendrer une hiérarchie qui donnerait la supériorité, comme dit Helvétius, à un peintre de la nature sur un botaniste ou un jardinier. Si les hommes peuvent naître avec de légères différences dans la finesse des sens, dans l'étendue de la mémoire, dans la capacité d'attention, ces différences sont sans aucune importance pour le développement de l'individu. Voilà l'argument. Deuxième axiome de cette construction, la sensibilité humaine individuelle qui commande l'ensemble du comportement obéit chez tous les individus à deux principes fondamentaux que Helvétius reprend de Locke, rechercher les plaisirs et rejeter les douleurs et les peines. C'est d'ailleurs l'argument à partir duquel l'utilitarisme, qui est une grande tradition philosophique et de philosophie politique, établira sa doctrine du bien-être individuel et collectif, exclusivement fondée sur la maximisation de l'utilité, c'est-à-dire du plaisir ou de la satisfaction, et sur la minimisation du déplaisir ou de la douleur. Pour chacun, et donc pour tous. Et ce qui engendre les variations individuelles, c'est simplement la diversité des environnements auxquels sont exposés les individus. Diversité qui veut dire quantité variable d'expériences stimulantes, gratifiantes ou douloureuses. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 16 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minger. Aujourd'hui, différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger, éléments d'histoire de la notion de talent. Prise de son, mixage, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Gislaine David. Iconographie web, Claire Poinsignon. Présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour du talent et des controverses sur l'égalitarisme en compagnie de Pierre-Michel Minger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.